la suite, bah on est toujours dans la spé française, doublette à venir. Nihil Lance, tout d'abord, c'est du death, death français, assez sombre. Graceless Planet, c'est le nom de leur nouvel effort studio, une très belle sortie sur l'excellent label Gridden Records. Et dans la foulée, au-delà, formation Black Metal, une sortie Pictural Production, l'album s'intitule Sentence, Inversion of Values, le titre de Nihil Lance, au-delà avec le titre We Live, et c'est parti. Do On est rentré dans l'aspect française brutalement avec un groupe seul. On va quitter l'aspect française brutalement avec un groupe seul, et particulièrement seul, puisque on sort de l'aspect hexagonal avec un extrait du premier EP de Goruptide. Goruptide, c'est un one-man band d'un type habitué des one-man bands ou des duos. Il est notamment passé par Vaginal Chicken, c'est le type derrière le projet Giuseppe, c'est le type derrière le projet Blatt. Voilà, donc un gars qui a l'habitude de bosser tout seul et de sortir de la bonne grosse qualité. Goruptide, qu'est-ce que c'est? Donc c'est français, c'est l'espèce de brutal death old school un peu grindy, d'inspiration telle que Pulmonary Fibrosis, mais surtout Putrid Pile, Mortician, donc il y avait des morceaux dont la moitié sont bouffés par des samples de films de série Z, de films slasher américains, etc. Enfin, quand vous avez un minimum de culture sur ce cinéma-là, vous captez direct les samples, même en anglais, de quels films ils sont extraits. Mention spéciale, encore une fois, à Davis Reject. Enfin, voilà. Et musicalement, bah, ça encule, voilà, une guitare tronçonneuse, un chant un peu pitch, un chant bien dégoulinant sinon. Ça blastouille comme il faut, ça groove à souhait. Voilà, Gripted, Hawks in the Flesh, une première sortie de P en autoprod. Et on va s'écouter le titre Enucleation, qui nous permet donc de clôturer l'aspect française. Retour à la diff internationale avec la troisième intervention de Thibaut pour le dernier focus de l'émission d'aujourd'hui. Pour le dernier focus de la soirée, on va du côté de Londres pour se pencher sur la dernière sortie du groupe Grave Miasma. Ils se sont formés en 2002, alors à l'époque sous le nom de Goat Molestor, mais ils ont changé de nom courant de l'année 2006. Ils sortent donc leur second album, qui fait suite à Odoris Sepulchrorum, qui était sorti en 2013, alors qui est vraiment un petit chef-d'œuvre. Il faut noter que le groupe a sorti 3 EP, donc en 2009, 2010 et 2016. J'ai pas pris le temps de les écouter, mais visiblement ils ont l'air de faire l'unanimité, donc faut vraiment que je prenne du temps pour les écouter également. Et donc ce nouvel album s'intitule Abyss of Wrathful Deities. Il est sorti le 14 mai et est signé chez Dark Descent Records. Alors si on doit définir un petit peu le style que propose Grave Miasma sur l'ensemble de sa discographie, on est sur clairement du death metal bien lourd et bien pâteau, qui est blackisant clairement, parce qu'il y a ouvertement des influences black, et ça reste une musique assez poisseuse et assez étouffante. Sur ce nouvel album, bon, clairement le groupe renouvelle pas son style, il confirme plutôt ce qu'ils ont proposé sur les productions précédentes, à savoir donc une musique extrêmement monolithique et avec un son terriblement sourd. C'est quelque chose vraiment qui vous saisit aux tripes et enfin ça vous met assez mal à l'aise. D'ailleurs, à l'instar de la pochette de l'album qui est assez classe, mais qui est oppressante et qui colle tout à fait parfaitement au style de ce qu'on peut trouver sur le CD. Et aussi, le style global reste du death black. On retrouve plus l'approche un petit peu musicale que peuvent avoir le death doom dans ce côté écrasant qu'a le son, et on retrouve des ambiances, par exemple, que j'ai des choses que j'adore sur des groupes comme Asphyx. Maintenant, par rapport à l'album précédent, le son pour moi est bien meilleur au niveau de la production. Et alors, je dirais pas que les compositions sont plus ou moins riches, parce que je trouve qu'il y avait déjà un travail qui était assez énorme sur le premier album, et limite je le préfère personnellement. Mais là, vraiment, les compositions sont vraiment servies par une production de grande qualité, et c'est vachement plaisant. Grave Miasma, c'était un groupe que j'avais découvert sur l'affiche du Netherland Death Fest en 2019, et malheureusement, on n'avait pas pu accéder à la salle parce que c'était blindé et qu'il n'y avait plus de place dedans, mais c'est vraiment un regret de ne pas avoir pu les voir en live, parce que je pense que ça doit prendre encore une dimension supérieure en live. Mais en tout cas, ouais, ce nouvel album, c'est vraiment une belle sortie. Il est, ouais, comme je disais, il est poisseux, il est oppressant, il est vraiment puissant, il prend aux tripes. Et j'espère pouvoir les voir en concert rapidement, quoi. Et du coup, bah, pour conclure ce dernier focus de la soirée, on s'écoute un morceau de Grave Miasma. Pour ce soir, j'ai choisi Under de Megalith. Clairement, c'est un morceau qui est complètement représentatif de ce qui se passe sur l'album. Et je trouve le nom assez cool et également représentatif de ce qu'on trouve dedans et ce côté toujours aussi puissant et écrasant. Voilà, Grave Miasma, du Death Ultra Kali, l'album est déjà dispo chez Dark Descent Records. Pour illustrer tout ça, on va s'écouter le titre Under the Megalith, et dans la foulée, un groupe très très très intéressant et très particulier, The Flight of Sleipnir. On est sur de l'espèce de doomstoner musicalement, avec du black au niveau des parties vocales. Voilà, très intéressant concept musical, puis c'est vachement bien réalisé. Flight of Sleipnir, nouvel album s'intitule Eventide. Et on va s'écouter le titre January, c'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On arrive déjà dans le dernier quart d'heure de l'émission d'aujourd'hui, donc on touche déjà à la fin de cette dernière émission du mois de mai. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter depuis le début, pour rappel, à partir de demain, en fin d'après-midi, vous pourrez retrouver l'émission en intégralité via notre petit blog. Un Hellbanger Radio Show est hébergé chez Blogspot, où on met l'entièreté de l'émission, aussi bien le blabla que les titres. Et à noter, tout à l'heure, on s'est écouté un titre... ça y est, j'ai perdu. On s'est écouté un titre un peu recoupé, le titre de Jevel, si je ne dis pas de conneries. Les morceaux qui sont un petit peu longs, on les ampute pour qu'ils se diffusent tout simplement en radio. Et par contre, sur la version podcast, le titre étant en entier, c'était le cas avec Jevel, ça va être le cas là tout de suite avec Valendusk, quand les titres excèdent les 8-9 minutes. Là on se retrouve avec un peu plus de 6 minutes de diffusion, tout à l'heure c'était 7-8 minutes sur la dizaine, enfin bref. Valendusk pour la musique, une sortie Northern Silence Production, l'album s'appelle Heralds of Strife. On va s'écouter le titre Ethereal Echoes of Devotion, dans la foulée Vulture, nouvelle petite coqueluche, extrait de la scène allemande Deal in Death du revival True Heavy Speed. Clairement à la sauce Striker ou autre Evil Invaders, ça pète, c'est vraiment super fun. Multitudes of Terror, une sortie Metal Blade. Yeah! Allez, exit le fun bondissant du revival Heavy Speed des Allemands de Vulture. On se quitte avec la toute dernière doublette pour aujourd'hui. Tout d'abord, le black bien sombre de Clandestine Blaze, One Man Band finlandais de la voix de Despel Omega, Secrets of Laceration, c'est le nom de ce nouvel effort studio. On va s'écouter tout simplement le titre de l'album pour Clandestine Blaze. Et dans la foulée, la toute dernière nouveauté pour aujourd'hui, Disembodiment. Ça nous vient du Canada, et pour une fois, ce n'est pas du black. Disembodiment, c'est du putain de death. Alors, on n'est pas dans le putride death à la Disma, c'est pas non plus à la sauce des très bons français de Necrowretch, mais c'est un petit peu dans cette veine-là. Bon, les tempos sont un peu plus élevés, et les titres vachement plus courts. Voilà, Disembodiment, une très très très très bonne sortie sur le label Everlasted Spew Records. C'est un EP, il fait 14 minutes, il y a 5 morceaux plus une intro, les titres sont très très courts. Voilà, ça tourne pas autour du pot, c'est direct, c'est frontal, c'est crado, et c'est ça qu'on aime dans le death metal. Mutated Chaos, c'est le nom du premier EP, et on se quittera donc avec le titre Mephitic Gunk of Putrefied Limbs. Excellente fin de soirée à toutes et à tous cependant, et à dimanche prochain, ciao ciao. Now we're